La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui mercredi, troisième jour de notre série consacrée à l'écrivain Valerie Larbaud dans la compagnie des auteurs. Une émission qui vous est proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin, Laurence Millet, Laura-Anne Travagli-Chanal et Bruno Gagnère-Fontanille. Il était le fils du pharmacien qui avait inventé les sources Saint-Yor. Et c'est pour cela qu'il réussira à vivre sans travailler grâce à cette fortune. Afin de tromper une certaine mélancolie et aussi par goût du voyage, il sillonnera l'Europe en train comme son héros Barnabous et voyagera d'une langue à l'autre en traduisant de nombreuses œuvres comme nous l'avons vu lundi avec Béatrice Mousseli dans une émission à retrouver évidemment en podcast. Mardi, Gilles Charbonnier est revenu sur le cosmopolitisme de Larbaud, dont il avait une vision sentimentale et politique, à l'époque même où le vieux continent sombrait dans le nationalisme. Enfin demain, nous reviendrons sur l'histoire de ce personnage d'A.O. Barnabous, qui incarne si bien l'œuvre de Larbaud. Ce sera finalement avec Amélie Ozou. Puis en seconde partie, Christine Cossefi nous parlera de la notion de paysage chez l'auteur des Enfantines. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, les Enfantines, justement, et tout ce continent de l'enfance chez Larbaud. Nous sommes en compagnie de Nelly Chabrol-Gagne, enseignante de littérature à l'Université de Clermont-Ferrand, spécialiste de littérature jeunesse. Et puis, en seconde partie, nous retrouverons Nathalie Frolov de l'Université François Rabelais de Tours. Elle nous parlera, elle, de la mélancolie des grands hôtels dans le livre 200 chambres, 200 salles de bain. Bienvenue à tous. Voici la compagnie des auteurs. De ce qu'on appelle le paradis perdu. Ça, il avait cette notion. Et pour lui, le premier paradis perdu, c'était l'enfance. C'est pourquoi tout ce qui rappelait l'enfant chez lui, c'était pas une manière rétrograde d'être. Pour lui, c'était une façon de rester ce qu'il était. Robert Mallet, interrogé en 1994 par Jean-Claude Loiseau. Bonjour à vous, Nelly Chabrol-Gagne. Bonjour. Merci d'avoir traversé la France enneigée pour nous. Une partie de la France. Oui, une grande partie. Vous avez consacré votre thèse à Valerie Larbaud il y a quelques années. C'était effectivement il y a quelques années. Et peut-être qu'ensuite, c'est une phrase de Valerie Larbaud qui vous a donné envie de travailler sur les littératures jeunesse. Cette phrase, on la trouve dans la nouvelle Gwenny toute seule, et elle dit « Laissez-moi reprendre mon enfance où j'en étais ». Oui, c'est une belle phrase, n'est-ce pas ? On peut s'interroger sur ce « Laissez-moi ». J'aurais toujours aimé savoir le ton sur lequel le narrateur, dans Gwenny toute seule, le prononçait. Est-ce que c'était « Laissez-moi » ou une prière « Laissez-moi » Dans ce cas-là, à qui adresser ? À ce Dieu qui intervient à un moment dans Enfantine, dans Fermina Marquez. Il y a cette belle prière, oui. Et puis ce « où », la reprendre où, l'enfance de Larbaud, au fond, puisque c'est une enfance où il a souffert, c'est une enfance durant laquelle il a été souvent malade, à cause de laquelle il a dû partir en cure. Et en même temps, ce fut une belle enfance aussi pour lui, dans ce triangle d'or du Bourbonnais, entre Vichy, Valbois et Saint-Yor. Donc c'est une belle phrase. Mais la question du qui, en effet, est intéressante. Qui est-ce qui empêche Valerie Larbaud, ou le narrateur de Gwenny toute seule, de reprendre son enfance là où il l'a laissée ? Est-ce que c'est la société ? Est-ce que c'est les parents ? Est-ce que c'est les institutions ? Est-ce que c'est le monde du travail ? Un petit peu tout cela. Un petit peu tout cela parce que c'est dit dans toutes ces enfantines, ce recueil dont le nom aurait pu même faire date, on aurait pu avoir des auteurs après qui chacun, chacune aurait écrit des enfantines. Alors oui, les parents d'abord, et parmi ses parents, la mère. Mmh. La mère, souvent, obstacle. Il y a peu de mères dans Enfantine où, quand elles sont là, elles sont défaillantes ou elles sont mortes. Donc les parents, la société, bien évidemment. Peut-être pas bien évidemment, mais certains petits garçons dans Enfantine se rendent compte de ce que peut être la loi des reins, cette fameuse loi des reins dont entend parler Milou. Donc oui, c'est un petit peu tout ça qui empêche Larbeau et certains de ses personnages, masculins et féminins. Donc il n'y a pas de parents dans les enfantines. Il y a quelques adultes, mais ce sont des adultes qui sont immédiatement rejetés par les enfants. Il y a des parents. Il y a quelques parents, avec une place à part pour la mère, ça ça semble évident. La mère qui est un petit peu niée, gommée, quelques pères, quelques grandes personnes. Mais effectivement, cette expression de grande personne que j'associe moi très souvent à Saint-Exupéry, mais Saint-Exupéry c'est un petit peu plus tard, cette expression de grande personne, elle est là en opposition à ces petites personnes que sont les enfants et qui ont tant à apporter au monde des adultes et notamment leur imaginaire. Donc oui, il y a des empêchements chez ces enfants et en même temps, quand on pense à l'enfantine intitulée La Grande Époque, les adultes ne sont pas là. Il n'y a qu'une cloche pour rappeler à ses enfants que c'est l'heure de dîner, c'est l'heure de déjeuner. Donc derrière ces cloches, il doit y avoir des grandes personnes. Mmh. Et à la fin de la nouvelle, si elles reviennent, ces grandes personnes, il y a à table papa, maman et mine de plomb. Et à partir de là, cette fameuse loi des reins, ce discours très contraignant, très politique aussi parfois. Parce que la politique est là aussi quand même chez Larbeau. Elle est là, y compris dans les enfantines. Oui, elle est là. Elle est là dans la figure de Gambetta. Dans le couperet. Elle est là à travers cette fameuse loi des reins, qui est une, on pourrait dire, une fracture sociale avant la lettre. Ses enfants, Milou, Marcel, se rendent compte à quel point ils peuvent être empêchés de jouer avec des enfants qui ne sont pas du même niveau socio-économique. Donc, elle est bien là, cette loi sociale. Alors, vous avez donc commencé votre carrière par cette thèse sur Valérie Larbeau. Ensuite, seulement, vous avez travaillé sur la littérature jeunesse. Est-ce qu'on peut dire tout de même que Larbeau écrit pour la jeunesse ? Parce qu'a priori, on a envie de dire qu'il écrit pour des adultes, y compris les enfantines. C'est une question délicate. Je pense qu'il écrit pour des adultes. Il fait partie, pas intégrante, mais en tout cas comme consultant, et il est très présent chez Gallimard, à la NRF. Donc, il y a cette volonté d'écrire pour un public lettré. D'ailleurs, Enfantine, qu'on ne s'y trompe pas, c'est une écriture très travaillée, comme Fermina Marquez, on pourrait le démontrer. C'est très étudié, c'est très fin, c'est très renouvelé. Et en même temps lisible. En même temps lisible, mais en même temps, dans une petite note qu'il envoie à l'un de ses imprimeurs, pour Enfantine, il précise bien que ces enfantines-là doivent être écrites dans une typographie qui rappellerait la Bibliothèque Rose, la Bibliothèque Bleue, ou les romans de Verne, ou les éditions Hetzel. Et donc, que ça serait des romans d'aventure pour la jeunesse. Donc, il n'y a pas d'exclusion. A priori, c'est après les éditeurs et les éditrices qui n'ont pas mis Larbeau pour les jeunes. Le grand défaut des fables de La Fontaine, à nos yeux, était de manquer de poésie. D'abord, nous avions eu bien de la peine à les comprendre. Le lion, le chien, quel lion, quel chien? Il y avait les lions du jardin des plantes, il y avait des chiens, tous différents les uns des autres, Digne le fou, Brutus la terreur et la petite gypsy, qui étaient des bien sages. Il n'y avait pas le lion, il n'y avait pas le chien. Et puis, ces animaux qui faisaient des discours, qui paraissaient s'occuper des mêmes choses que les grandes personnes, étaient-ce des hommes déguisés en bêtes ou des bêtes auxquelles on prêtait les passions et les idées des hommes? En tout cas, ce n'étaient pas des animaux. On leur donnait ce nom, mais on ne nous les faisait pas voir. On aurait dit que le fabuliste ne les avait jamais regardés. Et au bout de chaque fable, il y avait une morale, quelques réflexions bien plates et bien prosaïques qui nous donnaient l'impression que tout ce qui précédait n'avait été dit que pour en venir là. C'était comme une espèce de théorème, CQFD. Et si au moins il y avait eu un rythme saisissable pour nous, une cadence bien marquée, des rappels de son, toute la belle danse des rimes. Mais pas du tout. À peine le poète paraissait-il un peu lancé qu'il retombait sans grâce sur un vers trop court. Comment pouvait-on supporter, après les grandes orgues de Lamartine, cet aigre petit solo de flûte? Un extrait de la nouvelle Devoir de vacances dans la compagnie des auteurs, nouvelle qui fait partie du recueil Enfantine dont nous parlons ensemble, Nelly Chabrol-Gagne, dans une lecture de Jean-Baptiste Malartre. Alors on entend bien dans cette Enfantine à la fois la voix de l'écrivain Larbeau, son vocabulaire d'écrivain, son style d'écrivain, et en même temps il y a une pensée qui est assez proche de la pensée de l'enfance. Et ça corrobore bien ce que vous disiez, je crois, d'une littérature qui n'est pas à proprement parler faite pour les enfants, mais qui en même temps est toute imprégnée d'enfance. Oui, peut-être que ces narrateurs ou ces narratrices dans Enfantine ont quelque chose d'hybride. Ce sont souvent d'ailleurs des adultes qui retrouvent une partie de leur enfance, qui cela remémore. Je pense à Rose Lourdin, par exemple. Donc, il y a ce mélange qui est traduit sans doute aussi dans le style larbaldien, dans ce style indirect libre, dans ces presque sous-conversations qui appellent Nathalie Sarraute. Ah, vous diriez jusque-là dans la modernité de Larbeau. Oui, il me semble qu'il y a là vraiment une volonté d'hybridation. D'ailleurs, les frontières chez lui, quelles qu'elles soient, il les repousse, il les mêle, il inclut, même dans les genres avant la lettre, hein, il y a du féminin qu'il revendique, alors même que le narrateur est masculin. Il brouille les lignes, mais c'est fait avec tellement de subtilité qu'on s'en aperçoit pas. Et c'est vraiment à la relecture, quand j'ai relu Enfantine et Fermina pour l'émission, je crois que je n'avais pas du tout fait cette lecture-là il y a 15 ans, de même que j'ai pris la mesure du merveilleux. Il me semble que Larbeau apporte un autre merveilleux dans Enfantine. Vous diriez que Enfantine, c'est un conte merveilleux, ce sont des contes du genre du merveilleux qui appartiennent à ce genre-là? Je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là, mais en tout cas, comme chez Perrault, il y a 8 petites nouvelles, comme il y a 8 contes péraldiens. Il y a 4 fillettes qui sont plutôt mises en avant, comme il y a 4 petits garçons. Et il y a ce merveilleux, il y a la merveille, comme l'heure avec la figure, où ce petit garçon, pendant 50 minutes, redoute l'arrivée de son professeur de solfège et va lire dans les veines du marbre de la cheminée. Il va inventer toute une histoire, tout un merveilleux. Et le mot merveilleux, on le sait que Larbeau l'a prononcé à la fin de sa vie plusieurs fois, et il est là aussi dans Enfantine. Il y a un mot qui pourrait peut-être convenir aussi, c'est le mot « augmenter », qui est un mot très à la mode avec cette idée de la réalité augmentée, mais là il ne s'agit pas vraiment de ça, quoique c'est un monde augmenté par l'imagination des enfants. C'est vraiment à travers leur fantaisie qu'on voit le monde que Larbeau veut nous donner à voir. C'est très juste ce que vous dites, c'est à la fois de l'augmentation, c'est-à-dire à partir du terrain de Saint-Yor, ces 3 enfants vont réinventer des continents, un 6e continent, et en même temps, c'est la miniaturisation. C'est toujours le double mouvement, me semble-t-il, chez Larbeau. D'agrandir l'espace par l'imaginaire des enfants, surtout les petits garçons quand même, mais en même temps de le rétrécir dans un drapeau. Le petit drapeau que Camille Moutier achètera de façon très furtive et qu'il brandira devant Fermina pour représenter son pays. Alors c'est peut-être un monde merveilleux, mais ça n'est pas un monde idéal parce qu'il y a de la cruauté aussi, comme d'ailleurs chez les enfants en général, chez les petits personnages de Larbeau. Oui, ils sont cruels entre eux. Ils sont cruels par rapport à eux-mêmes, hein, quand Milou fait cette blessure à la main gauche pour entrer en empathie avec la petite bergère, ils le disent aussi. Il y a effectivement de la cruauté, mais comme vous l'avez dit, chez les enfants, Valérie Larbaud n'est absolument pas dupe de cela. Il y a tout chez l'enfant, déjà, en puissance. Et c'est peut-être ça justement qui l'intéresse, ce côté non policé de l'enfance, ce côté en prise vraiment avec les sentiments, parce que c'est quand même quelqu'un de la sensation, voire même de la sensualité, parce que ça n'est pas tout à fait absent, cela aussi, des nouvelles des enfantines. Il y a aussi de l'amour entre les personnages. Une sensualité, oui, mais qui ne se dit pas, mais elle est très très présente. Dans Rose Lourdin, par exemple, où l'on voit une fillette qui tombe amoureuse ou dans une amitié très particulière avec une autre fillette, dont on s'aperçoit à terme qu'elle va être expulsée de la pension parce qu'elle est en relation encore plus particulière avec l'une de ses maîtresses. Et en même temps, dans ce pensionnat de jeunes filles, il n'y a aucune pitié. Aucune pitié, et peut-être que de ces enfances-là, certains personnages larbaldiens ne guérissent pas. Sur cette question, justement, je vous propose d'écouter Chantal Thomas. Une des beautés de Enfantine, c'est la manière dont la passion est racontée. Des passions qui naissent entre enfants, entre jeunes filles ou entre jeunes garçons, qui se résolvent jamais et qui, plus tard, dans leur mémoire, restent comme l'absolu, indépassable. Et je trouve que ça, c'est une vérité très profonde de Larbaud, de savoir raconter les amours enfantines, pas comme des formes atténuées ou comme des variantes d'amours adultes, mais comme une forme radicalement autre de l'amour qui trouve jamais aucun prolongement et jamais aucune solution. Ce côté irrésoluble, vraiment, de la passion amoureuse de l'enfance et son secret terrible. Par exemple, une très belle nouvelle sur ce ton, c'est Rose Lourdin, où on sent très bien que le plus grand amour qu'ait vécu Rose, c'est celui qu'elle éprouvait pour une camarade d'école à qui elle a, sauf une fois, jamais adressé la parole, qui s'appelait Rochaine. Et cette espèce de passion, elle disait « j'aimais sa vie ». Et cette déclaration qui est à la hauteur des proférations raciniennes reste comme une parole verticale dans sa vie, sans équivalent, jamais. Des auteurs sur France Culture. Vous êtes d'accord, Nelly Chabrol-Gagne, avec cette lecture d'Enfantine par Chantal Thomas ? Oui, je ne sais pas si Chantal Thomas accepterait que j'ajoute après elle ceci, qu'il me semble qu'il y a beaucoup d'éducation sentimentale ratée dans Enfantine. D'où sait-on de la nostalgie aussi, des nouvelles, je ne sais pas encore. Encore une fois, comment il faut appeler ces récits qui n'en sont pas, il n'y a pas de chute, beaucoup de choses irrésolues. Et au fond, il y a quelque chose de très touchant dans le final du couperet, parce que Milou, qui a été rejeté, qui se sent mal aimé, finalement se tourne vers Dieu. Mmh. Et tous deux pourraient redevenir des enfants. Et il n'y aurait peut-être que cette solution-là. Sur la question de l'amour, on n'a pas encore dit cela durant cette semaine consacrée à Larbaud, mais les jeunes filles intéressaient beaucoup Valérie Larbaud, un peu à la manière de Nabokov. Est-ce qu'il y a aussi ce regard, alors je ne parle pas des enfants, mais le regard de Larbaud sur les jeunes filles, est-ce que vous le retrouvez, soit dans Enfantine, soit peut-être dans Fermina Marquez, dont on parlera plus tard ? Il y a le regard de Larbaud sur des enfants, jusqu'à l'âge de la puberté. James Berry faisait dire à Peter Pan que tout était fichu, en gros, après 2 ans. Il me semble que chez Larbaud, tout est fichu après la puberté, où là, il y a une bascule, véritablement. D'ailleurs, il y a une petite, un petit symbole vestimentaire qu'il repère et que l'on trouve très souvent dans son œuvre. C'est la jupe courte qui, à un moment, ne peut plus être courte parce que ces jeunes filles ont grandi et qu'à partir de là, toute la sexualité arriverait. Donc, il me semble qu'il y a un départ là entre l'enfance, dont le sexe est dans l'âme, hein, comme disait le poète Thompson, que reprend Larbaud, et après la bascule dans l'adolescence et dans le jeune âge adulte, où là, toutes les questions de la sensualité exacerbée, de la sexualité pourraient se... Je vous posais cette question parce que je pensais au fameux syndrome de Peter Pan, donc de ces adolescents qui deviennent ensuite des hommes, mais qui restent, ou des femmes d'ailleurs, mais qui restent des adolescents ou des adolescentes dans leur esprit. Et souvent, ce syndrome de Peter Pan se caractérise par une attirance par ces hommes pour des femmes un peu plus jeunes ou par ces femmes pour des hommes un peu plus jeunes. Et on a l'impression parfois, avec Valérie Larbaud, qu'il y a un certain syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire une impossibilité réellement à grandir, une envie de ne pas vouloir grandir. Alors c'est évidemment une hypothèse, mais je vous la soumets. Je crois que je ne pourrais pas répondre. Mais c'est une question qui mériterait sans doute d'être sondée plus avant. Il est évident, enfin, il me semble évident que les personnages larbaldiens, presque tous, par quelques-uns qu'on pourrait aller chercher dans les recueils de Jaune, Bleu, Blanc ou de Couleur de Rome, sont de jeunes gens. Et que il mise beaucoup, il mise gros, Larbaud, sur la jeunesse qui ne serait pas encore détruite, qui ne serait pas avilie par une multitude de relations. C'est un embellissement aussi, c'est un embellissement d'auteur, parce que nous parlons d'auteur, et ce qui nous intéresse au fond, c'est tous ces écrits de Larbaud, parce qu'il est pétri, de lettres et de mots. Donc c'est sur ça... qualité d'auteur et dans cette position-là que je le garde. Mmh. Et l'enfance, pour lui, la jeunesse, elle aurait quelque chose, non pas de pur, non pas simplement quelque chose d'idéal. Il y a un mélange, des mélanges de sentiments. Mais il y a un élan qui n'est pas avili par, bah, par exemple, l'usufruit ou l'hypothèque, ces mots dont on ne sait pas quoi faire, Milou, au fond. Mmh. Passons maintenant à l'autre grand récit de l'enfance chez Larbaud, qui est Fermina Marquez. Joanie lui dit : Vous me faites songer à l'espagnole anglaise de Cervantes. Vous savez, il dit qu'elle était remarquable por su hermosura y por su recato. Il balbutia ces paroles plutôt qu'il ne les dit. C'était le premier compliment qu'il lui faisait. Puis, il craignait qu'elle ne se moquât de la façon dont il prononçait l'espagnol. Enfin, n'y avait-il pas quelque chose de pédant, d'irréparablement collégien, dans cette ostentation des lectures qu'il avait faites? Ce qui plus encore étonna Joanie fut l'insistance qu'elle mettait à parler d'humilité et à dénoncer l'orgueil comme un péché particulièrement affreux. Comment pouvez-vous parler de vous humilier, vous qui êtes si belle? Il avait dit cela tout naturellement. Un premier compliment avait préparé la route. Mais elle pâlit et murmura d'un ton véhément : « Oh, moi qui ne suis qu'un tas d'ordures !» Joanie garda un silence embarrassé, mais respectueux. Il sentait vivement, et les expressions outrées ne le faisaient jamais sourire. Ils firent une expédition. Il l'emmena visiter les classes, les études et les dortoirs. Il lui dit : « Tenez, voici ma place en études. » Elle regardait les murs sales, le plancher nu et couvert de taches, la chaire sur l'estrade, le tableau noir. C'était si bizarre de la voir là, avec sa riche robe claire et son grand chapeau d'été. Il osa lui dire : « Asseyez-vous à ma place. » Vous verrez comme le banc est dur et comme le pupitre... Il voulait exprimer cette idée que le pupitre, avançant, trop comprimait la poitrine de l'élève, mais il ne trouva pas d'expression convenable et décente. Elle s'était assise à sa place. Un extrait donc de Fermina Marquez, lu ici par Françoise Fechter, Nelly Chabrol-Gagne. C'est donc le livre de l'adolescence hein, pour Larbeau. C'est un petit roman où il dépeint le collège de Saint-Augustin, qui n'est autre que le collège de Sainte-Barbe-des-Champs à Fontenay-aux-Roses, où lui-même a été élève entre 1891 et 1894, c'est-à-dire de sa 10e à sa 14e année. Est-ce que on a là un livre de souvenirs pour vous avec Fermina Marquez, Nelly Chabrol-Gagne? Qu'il y ait une empreinte autobiographique, c'est évident, vous venez de le signaler. Il était en pension dans cet endroit, Sainte-Barbe-des-Champs. Il y a vécu d'ailleurs des années heureuses, qui ne fut pas toujours le cas. Sans doute les plus heureuses de son enfance, de son adolescence. Tout à fait, tout à fait. En termes de scolarité, sans nul doute. Je voudrais juste dire que Fermina Marquez, c'est quand même le premier ouvrage publié de Larbeau en 1911, complètement. À la NRF et soutenu, voulu par Gide. Donc c'est un ouvrage fondamental dans la carrière de Larbeau. On sait qu'il a mûri la pensée sans doute pour la première fois lorsqu'il était en Espagne en 1905, qu'il s'est inspiré d'un personnage aussi tout à fait réel, d'une femme pour qui il avait des sentiments amoureux d'ordre platonique, et le prénom de Fermina vient de là aussi. Donc oui, c'est un très bel hommage à ces années de collège. On pourra remarquer le changement. Hein, Sainte-Barbe, qui fait peut-être pas très, qui sonne peut-être moins bien dans une nouvelle, et qui devient Saint-Augustin. C'est sous les auspices d'Augustin qu'il se met. C'est une forme de confession, peut-être aussi cachée. Larbeau aime ses patronages. Augustin, Jérôme, Dieu, il est en de belle compagnie. D'ailleurs, Fermina Marquez est une jeune fille chrétienne. Tout à fait. Fermina Marquez, alors c'est drôle parce qu'elle donne son nom à ce petit roman, cette grosse nouvelle, cette enfantine peut-être d'adolescente. Et en même temps, elle n'est pas le personnage qui agit beaucoup. Elle est vue par trois garçons plus un. Elle est orpheline de mère, encore une absence de mère. Elle est envoyée par son père, banquier de Colombie, donc pour un voyage européen. Elle doit passer 4 ans en France et 2 ans à Madrid, en compagnie de son frère et de sa sœur. Et elle est pétrie dans un premier temps de lecture, notamment de Sainte-Rose de Lima. Donc elle est tournée vers Dieu, et c'est la raison pour laquelle elle ne comprend pas Giovanni Legno dans sa démesure. Mais c'est pour ça aussi qu'elle est si attirante pour le personnage. Et on en revient toujours à cette idée, finalement, de pureté et d'inaccessibilité. C'est cette inaccessibilité aussi qui la rend au-delà des autres, si ce n'est au-dessus du petit personnage de Giovanni Legno. Bien sûr, mais elle est courtisée successivement, en tout cas c'est ce que dit la nouvelle ou le récit, par trois garçons, et puis c'est presque, on a envie de dire, ce fut comme une apparition. Elle a quelque chose de très flaubertien, et d'ailleurs les personnages garçons vont s'initier. Elle est la représentation pour la première fois, c'est la femme, elle a 16 ans, donc Elle a fait la bascule, elle a des robes longues. L'exergue latine de Tibulle nous fait penser qu'il y a une jeune fille derrière, dans la grâce, c'est une Sylphide. Elle est là pour, voilà, c'est un ange qui passe dans sa grâce et sa beauté. Ce qu'on peut dire peut-être pour clore cette première partie d'émission et pour clore aussi cette séquence sur Fermina Marquez, c'est que l'environnement de ce collège est tout à fait particulier, parce que c'est un collège qui est sur le sol de France, mais où en fait les étudiants sont pour la plupart sud-américains, et ils constituent une espèce d'aristocratie étrangère qui tolère un petit peu les élèves français, mais les sud-américains ont une espèce d'aura très particulière aussi. Donc ce décor-là de Fermina Marquez, au-delà de la question des enfants et des adolescents, le décor est très important. Le décor est important, et là, il y a un effet d'importation, de cosmopolitisme, hein, puisque l'Amérique du Sud s'invite effectivement dans ce lieu clos, quoi couvert. Hein, il y a une très belle terrasse d'où on découvre Paris, ville des Lumières. Oui. Donc c'est pas tout à fait la même claustration que, par exemple, le pensionnat du Jura dans Rose-Lourdin. Et là encore, on a une démonstration de cette gestion des espaces larbaldiens. L'Amérique du Sud qui s'invite là, de la même façon que l'Afrique s'invitait dans le couperet. Merci beaucoup Nelly Chabrol-Gann pour cet éclairage sur les récits d'enfance de Larbaud. Je signale à nos auditeurs que vous avez publié en 2012 l'ouvrage intitulé « Filles d'album, les représentations du féminin dans l'album ». C'est aux éditions de l'Atelier du Poisson Soluble. Et puis dans un instant, nous allons évidemment être rejoints par Nathalie Frolov pour parler de Larbaud et la vie d'hôtel. Mais pour le moment, c'est en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec aujourd'hui Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française. C'est votre grand retour, Michel, à notre antenne. Après bien des avanies, des grippes et des tempêtes à traverser. Mais vous êtes là. Et pour nous parler de celui qui est peut-être votre écrivain préféré, ancien collaborateur d'ailleurs à la Nouvelle Revue Française, Valérie Larbaud. Oui, non, c'est un écrivain que j'admire infiniment, que j'aime infiniment, qui représente pour moi, c'est le symbole même de l'écrivain moderne, étranger à toute espèce de philosophie d'avant-garde. Il n'y a pas moins avant-gardiste que Larbaud, mais il n'y a pas plus moderne que lui. Mmh. Il théorise pas, en effet. Il théorise pas, et alors il connaît la bibliothèque par cœur, et ça suffit évidemment à son bonheur pour ensuite y trouver des matières à rêverie, matières à imagination. Mais je ne peux pas non plus ne pas rappeler que c'est chez lui que Joyce a terminé d'écrire Ulysse. Oui. Il y a une plaque qui le rappelle. C'est lui qui a fait découvrir Joyce aussi. Il a été l'ambassadeur de Joyce à Paris. Ouais. Donc tout ça est merveilleux et formidable. Et je me souviens aussi de cette réplique dans le journal de Barnabous, quand quelqu'un lui dit « Mais enfin, il se passe quelque chose, il y a une manif cet après-midi dans la rue, viens !» Et il lui répond, Barnabous répond « J'aime mieux lire, c'est signé. » Vous avez un texte préféré? C'est plutôt Barnabous, c'est plutôt les enfants. Ah, les poésies plutôt... de Barnabous sont magiques, mais il y a tellement de choses. Les récits de voyage en Italie, en voiture, décapotable, là, il fait beau, c'est merveilleux. Ah oui. Ah, c'est. Pas comme aujourd'hui, en tout cas en région parisienne. Alors, à la NRF, qu'est-ce qu'on peut lire en ce mois de janvier? Toutes sortes de choses. On peut bien sûr parler de l'extrait que nous donnons du livre de Jean Rollin, Le Traqué Kurde, qui est un texte assez inouï, qui raconte l'histoire d'un oiseau qui s'appelle le Traqué Kurde, dont on a trouvé un exemplaire un jour, complètement par hasard, au sommet du Puy de Dôme, ce qui n'était absolument pas du tout son endroit naturel. Et Rollin, bien dans sa manière à lui de mélanger à la fois l'intemporel et l'historique, là, trouve un motif extraordinaire entre la botanique, enfin, plus exactement, l'histoire naturelle qui raconte la vie des oiseaux et ce qui se passe en Europe centrale. Et donc, il vous donne quelques bonnes feuilles? Il a donné quelques extraits, puisqu'en fait, le numéro est paru quasiment en même temps que sortait le livre. Mmh. Donc, voilà. Également dans la NRF, est-ce des bonnes feuilles également sur la carte de Justine Augier? Alors, ou c'est un texte donné à la NRF? Ce ne sont pas des bonnes feuilles, là, c'est un texte écrit exprès pour la NRF de Justine Augier qui, dans ce livre L'Ardeur, avait dessiné le portrait d'une avocate syrienne dont on n'a aucune nouvelle depuis 2013. et qui là aussi est d'une façon tout, est très différente de Rollin, mais entremêle à la fois le romanesque, le documentaire, l'historique, et construit peu à peu un objet littéraire tout à fait singulier. Alors, et là, ce n'est pas une bonne feuille du livre, mais un article de réflexion sur le travail qui l'a mené à écrire ce livre. Où elle s'interroge, j'imagine, sur les liens, les frontières entre enquête, roman, c'est ce que Truman Capote appelait le roman-document. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Michel Crépu. Merci à moi. Vous revenez nous voir bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est la suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons depuis lundi de l'écrivain français Valérie Larbaud et de son écriture subtile mais simple, comme le disait Michel Courneau au micro de Jean-Claude Loiseau dans Une vie, une œuvre en 1994. C'est incroyable à quel point c'est même plus que simple, ordinaire, incroyablement ordinaire la manière dont Larbaud prend l'attention, en tous les cas la mienne, du lecteur. Parce que tout de même, quand un écrivain, même s'il a quelque chose à raconter d'imaginaire ou un souvenir, ou à parler d'un poète, d'un écrivain, c'est pas que... Bon, si ce sont des grands écrivains qui font ça, ils le font bien, mais tout de même, ils se placent sur un certain ton de voix. Tandis que Larbaud, c'est incroyable parce que c'est ordinaire. Je veux dire qu'il n'y a aucune différence entre le moment où je prends ce livre et où je délasse ma chaussure, où j'éloigne une soucoupe de café pour ne pas tâcher le papier, je ne sais pas, et la voix de Larbaud quand je commence à le lire. Bonjour Nathalie Frolov. Bonjour. C'est fou comme c'est ordinaire et à la fois extraordinaire, l'écriture de Larbaud. Oui, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a une très grande clarté, une grande fluidité dans son écriture. Et en même temps, on a toujours du mal à classer, en fait, le genre de texte. Hein, et il est toujours dans cet entre-deux, en quelque sorte, un entre-deux qui est à la fois, je dirais, géographique, en quelque sorte. Hein, et en même temps, un entre-deux de la littérature, parce qu'effectivement, à l'instant, Nelly Chabrol-Gaine disait elle-même qu'elle ne savait pas si on pouvait appeler les enfantines des nouvelles. Mais c'est vrai que cette question-là pourrait se poser pour presque tous les textes en fait, de Larbaud. Mmh. Vous êtes professeur à l'université François Rabelais à Tours. Vous avez édité les Contes de Perrault en folio Gallimard. À ce titre, est-ce que vous diriez, comme l'a dit Nelly Chabrol-Gaine en première partie, qu'il y a une référence possible aux Contes de Perrault dans les enfantines ? En fait, il me semble vraiment que... Je ne sais pas s'il y a vraiment une référence au conte de Perrault, mais Larbaud invente vraiment tout un imaginaire dans les enfantines. C'est ça qui est très étonnant, en fait, dans ce recueil. C'est ce mélange entre le réel et l'imaginaire, à quel point, justement, dans la grande époque, par exemple, ces enfants vont s'inventer tout un monde dans un jardin, vont devenir des explorateurs, des aventuriers, ce qui fait écho aussi à toutes les lectures de Larbaud enfant, de romans d'aventure. Donc, d'un seul coup, les enfants deviennent des petits aventuriers, des explorateurs. Voilà, donc je trouve que c'est surtout cet aspect-là qui est en même temps aussi très moderne, en fait. Ce qu'avait vu, je pensais à ça, en fait, aussi Annie Ernaux, qui a très peu écrit, en fait, sur d'autres écrivains, en fait. Elle a publié un très bel article sur les enfantines, justement, où elle voyait bien cette modernité, cette nouveauté, en fait, de ce recueil. Alors vous êtes venu nous parler en particulier d'un de ces textes inclassables dont Larbaud avait le secret, qui a un titre également inclassable, 200 chambres, 200 salles de bain. C'est sur ce texte que vous êtes intervenu au colloque de Clermont-Ferrand en 2004, texte repris dans le volume des actes du colloque intitulé « Les langages de Larbaud ». Alors 200 chambres, 200 salles de bain, c'est donc le Larbaud des voyages, c'est le Larbaud des grands hôtels, Nathalie Frolov? Alors, en fait, c'est surtout effectivement le Larbeau de ces textes véritablement inclassables, puisqu'en fait, il y a deux recueils, l'un jaune, bleu, blanc et l'autre aux couleurs de Rome. Il y a toujours les couleurs dans le titre. Oui, c'est vrai, très juste. En fait, véritablement, on a deux recueils là qui reprennent des textes qui ont été publiés sous forme de plaquettes, en général qui sont réservés à un petit nombre de lecteurs. 200 chambres, 200 salles de bain a été illustré par le graveur laboureur. Donc ce sont en général des très beaux objets que Larbeau à un moment choisit de rassembler. Et c'est vraiment ces deux recueils-là qui sont assez intéressants. Là, le titre de 200 chambres, 200 salles de bain et le prétexte, en fait, à une série de pages. Il explique lui-même ce titre, au tout début, en fait, de ce texte, que lui-même appelle aussi une chronique. C'est assez intéressant. Il y a un rappel ici au temps qui passe. Il s'agit d'une nuit, en fait, d'une nuit d'insomnie. Il parlera plus loin, d'ailleurs, dans ce texte, de nuit de terreur, au pluriel, dont il attend la fin. Et en fait, 200 chambres, 200 salles de bain, c'est indiqué sur le papier en tête d'un hôtel. Puisqu'effectivement, Larbeau commence, d'après ce qu'il dit, cette chronique, ce texte, ces quelques pages, en fait, offertes, à partir du papier en tête d'un grand hôtel. De l'hôtel où il se trouve, qui est un hôtel qui d'ailleurs existe, il se trouve au nord de Coimbra, au Portugal. Voilà, l'hôtel de Boussaco. Donc, et effectivement, en dessous de ce papier en tête, c'est vraiment ça, il y a écrit 200 chambres, 200 salles de bain, qui était une manière de dire qu'effectivement, c'était un immense hôtel, un grand palace. Voilà. C'était un immense hôtel, magnifique, la magie des grands hôtels. Et c'est l'accroche qui est tout de même très mince pour se mettre à écrire. C'est le prétexte très mince qui fait que Larbeau commence à écrire. Et alors, peut-on dire qu'il décrit quelque chose, qu'il se passe quelque chose dans cette nouvelle qui est en permanence liée avec l'idée de la maladie, comme si on était un peu malade quand on restait comme ça dans ces grands palaces? Oui, alors chez Larbeau, dans ces textes-là, en fait, il ne se passe rien. Mais en fait, il se passe des choses tout de même infimes. Ici, je dirais que ce texte-là renvoie à ce que représentent les hôtels eux-mêmes. Les hôtels, il le dit très bien, sont des lieux intermédiaires. Mmh. C'est des lieux qui sont retranchés de la vie commune, de la précipitation. Il y a quand même l'éloge de la lenteur, hein, chez Larbeau en particulier. Les grands hôtels sont des lieux intermédiaires. Eh bien, ce texte-là aussi, c'est un texte intermédiaire qui va mélanger des fragments. Il y a vraiment un aspect très fragmentaire de ce texte, puisqu'il parle un petit peu de la maladie. Il va notamment évoquer un souvenir d'enfance, on en reparlera peut-être. Alors, effectivement, il évoque un moment, ce que Béatrice Mousseli rappelle en fait dans sa biographie. À l'âge de 6 ans, il a été très malade, il a eu une hernie et on a craint une péritonite. Il a donc été emmené à Paris en urgence, il a été opéré, sauvé. Il avait 6 ans et il a été installé au Grand Hôtel du Louvre, qui était absolument immense, qui faisait partie de ces très grands palaces construits au début du 19e siècle. Et le jeune Valéry est à 6 ans. Manifestement, ses parents le laissent souvent seul. Ils lui ont acheté beaucoup, beaucoup de jouets. Il a déjà son train électrique, des petits soldats, ça commence. Et il est un peu tout seul. Parce qu'on n'a pas dit que Valéry Larbeau avait la passion des petits soldats. Oui, c'est quelque chose de très, très important. Et il en parle aussi dans Les Enfantines. C'est vrai que là, il essaie de s'occuper. Il a l'air très seul, tout de même, dans ce moment de convalescence. Et c'est pour cela qu'en fait, il explique que la vie d'hôtel correspond très bien à la maladie, d'une certaine manière. Il explique en effet que quelqu'un de bien portant s'ennuierait terriblement à l'hôtel. Il ne rencontrerait rien du pays, il n'en verrait rien, puisque la vie d'hôtel, comme il le dit, est la même partout, quel que soit l'hôtel. Et là, au contraire, la maladie ressemble à ce lieu intermédiaire, puisqu'on est dans un état intermédiaire. Donc c'est une vie qui est à moitié vécue seulement, la vie d'hôtel. Et ça, c'est assez symptomatique aussi de l'enfermement mental aussi, où semble se trouver le narrateur, Valéry Larbeau, quand il écrit ce texte-là. Oui, c'est très étonnant à la relecture vraiment de ce texte, à quel point le motif, je trouve, de l'enfermement et de l'isolement, ce sont vraiment deux motifs très présents. C'est une prison volontaire, ces hôtels. prison volontaire et involontaire en l'occurrence, parce que effectivement, quand il évoque ce moment lorsqu'il a 6 ans, je trouve que d'abord il évoque ce moment-là qui est un moment personnel, hein, très clairement, et il commence à raconter ce passage-là à la fin de ce récit, et il parle à la troisième personne du singulier de ce petit garçon enfermé, et ensuite seulement il arrive au jeu. On sent bien que c'est un jeu personnel, mais on voit ici que cette troisième personne montre l'isolement, la tristesse. Je trouve qu'il y a même une forme de déréliction, en fait. Sur France Culture, nous sommes dans le Grand Hôtel, 200 chambres, 200 salles de bain qu'a fréquenté Valérie Larbaud. L'hôtel, c'est un lieu qui est emblématique de l'écriture de Larbaud, Nathalie Frolov, parce qu'il permet un retranchement solitaire et il conduit à la méditation, et en particulier à la méditation sur soi. Oui, c'est vraiment très net en fait à la fin du texte, hein, où donc il a évoqué, il a ouvert, en fait le texte s'ouvre par cette petite accroche, comme je l'ai dit, de 200 chambres, 200 salles de bain, cette nuit d'insomnie où il se dit qu'il va s'occuper à écrire, et le texte se clôt justement sur une véritable méditation, comme si l'insomnie, mais aussi ce souvenir, l'évocation de ce souvenir de maladie dans le grand hôtel du Louvre où il était convalescent, en fait ces souvenirs-là se prolongent en une méditation et qui là vont renvoyer à d'autres souvenirs, mais qui sont des souvenirs littéraires, parce que c'est vrai que l'hôtel est par... C'est vraiment l'archétype du voyage par excellence, mais le voyage, il n'est pas que géographique, il est aussi littéraire chez Larbaud, et on le voit justement à la fin de ce récit où il va convoquer les invisibles. Il y a une sorte de prière aux invisibles avec un I majuscule. Les invisibles, c'est-à-dire ? Alors les invisibles, de ce qu'on comprend, c'est très étonnant en fait, c'est le monde des morts, et justement quand il évoque ce moment où il est convalescent, il parle d'un père qui serait même assez dur avec son enfant, et cet enfant souhaiterait même la mort, en fait, souhaiterait rejoindre les invisibles. Et puis on revient à cette première personne du singulier, ce jeu, qui vraiment, voilà, convoque les invisibles. Et il me semble qu'ici, on a vraiment une référence à Hugo, voilà, au poète romantique. Et Hugo a parlé des invisibles. Et puis il y a aussi toute une, me semble-t-il, hein, une référence aussi aux écrivains moralistes, hein, du XVIIe siècle. Puisque le jeune garçon, en fait, se décrit aussi et surtout face à une fenêtre. Mmh. Il regarde le théâtre du monde, telle la Bruyère, hein, qu'il a lu, qu'il a beaucoup aimé, qu'il l'a fasciné quand il était adolescent. Donc vraiment ici se retrouve cette fascination. Il regarde cette vie à laquelle il ne peut pas participer puisqu'il est malade. Les autres sortent de l'hôtel, lui y est emprisonné, mais en même temps, et puis il est face à la Comédie française. Donc cette idée de théâtre du monde rencontre un écho aussi par l'endroit, en fait, je dirais, où il se trouve. Alors cette chambre d'hôtel qui représente une espèce d'intimité et en même temps à la fois prison et à la fois voyage, donc il y a aussi cette espèce de tension que représente l'hôtel, le grand hôtel selon Valérie Larbaud, il fait aussi possiblement penser dans la maladie à Proust, personne qui garde le lit et qui vit dans son imaginaire. Il y a tout ça aussi un petit peu. Oui, c'est très net, me semble-t-il, à l'ouverture en fait du récit, où là je pense qu'il y a une référence à Proust, justement dans cette idée de ne pas savoir comment occuper en fait ce moment d'insomnie. Hein. Je dirais qu'il y a une référence très claire au « longtemps je me suis couché de bonheur », puisque ça commence par « puisque je ne peux dormir ». Je voudrais du moins me distraire de tout ce qui me nourrit mon impatience, et c'est pour cela que j'ai pris ces feuillets. Ouais. Voilà. Donc, c'est, là, il y a effectivement, hein. Mais je dirais qu'il y a aussi, c'est pas simplement un texte qui serait très mélancolique, parce que, au milieu, en fait, de tous ces fragments, il y a un fait divers, il y a une anecdote, qui est typique aussi des grands hôtels, et qui joue, en fait, plutôt sur un côté un petit peu ludique, et son ami, en fait, Léon-Paul Fargue, racontait aussi dans Le Piéton de Paris à quel point les palaces, pouvaient engendrer ce genre d'histoire. C'est une micro-société aussi. Une micro-société avec ses parasites aussi. Ouais. En l'occurrence, ici, Larbaud raconte la vie d'une comtesse qui allait rester 2 ans dans un hôtel et finir dans les combles. Ouais. Sans salle de bain, c'est la seule chambre qui n'a pas de salle de bain. Oui, voilà, sans salle de bain, mais en même temps ayant bien profité, ayant, en fait, étant jugée comme une aventurière qui fait les scandales et qui permet justement de raconter un fait divers qui est quand même aussi quelque chose qui à cette époque-là entre en littérature aussi, grâce à Gide. Il y a un intérêt pour le fait divers qui se développe et qu'on voit ici. Donc, comme une espèce de mini-scène. Là, le théâtre, il est aussi à l'intérieur, en fait, de l'hôtel. Parce que ces grands hôtels, cette grande bourgeoisie, c'est justement le monde un petit peu vitrifié que Larbaud aime bien regarder pour montrer justement ce qu'il y a de très vivant, pas forcément dans un sens d'ailleurs très positif, hein, mais en tout cas, toute cette vie un peu cachée derrière un monde un petit peu factice, qui est celui des grands hôtels. Oui, c'est vrai que c'est un observateur. Et même ici, vraiment, il y a un caractère vraiment où il est spectateur, en fait. Il regarde, il observe. Ce narrateur, en fait, prend plaisir à découvrir tous les aspects de la vie d'hôtel. C'est vrai qu'il y a, et il y a un plaisir à raconter qui se joue ici dans ce lieu de l'entre-deux, en fait. Est-ce dans ce même recueil qu'on trouve Haleine, texte sur le Bourbonnais, qui est presque un superbe guide de voyage dans le Bourbonnais? Alors, Haleine, en fait, est à part, dans mon souvenir, mais c'est vrai que c'est une nouvelle, enfin, là, pour le coup, on pourrait presque parler de nouvelle, véritablement, où on a effectivement des 5 ou 6 personnages qui décident de faire un grand voyage et d'aller jusque dans le Bourbonnais tout en devisant, et là, de la même manière, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plutôt des digressions, des divagations. J'emploie ces termes à dessein parce que la divagation, c'est un terme que reprend justement Larbaud dans sa petite préface qui détaille ce que va être Jaune, Bleu, Blanc, des divagations, des digressions. Et c'est vrai que la digression par essence, c'est le voyage. On digresse dans la littérature, on digresse en écrivant et on digresse parce qu'on voyage. Mmh. Et Haleine a été écrit, tout comme 200 chambres, 200 salles de bain au Portugal. Est-ce que vous savez s'il a besoin d'être loin des lieux qu'il décrit pour les décrire avec autant de sensibilité? Oui, parce que je pense que le souvenir ainsi est presque plus présent. Le souvenir ainsi est reconstruit, non pas du tout de manière idéalisée, mais il me semble que la distance est nécessaire, de même qu'il va écrire dans une autre langue du pays, là où il habite. Il y a un plaisir toujours de ne pas être, enfin, une espèce, oui, de décentrement qui est toujours nécessaire et qui permet l'écriture. On ne peut pas être complètement collé aux choses, en fait. Mmh. Au contraire, il faut s'en décoller pour pouvoir en rendre compte. Pour élargir encore un petit peu plus le questionnement qu'on a là aujourd'hui, de manière générale, quel est pour vous le texte qui compte le plus? Moi, je crois que c'est vraiment 200 chambres, 200 salles de bain. C'est vraiment... Pourtant, ce n'est pas du tout le plus connu. Non, mais alors il y a Paris de France aussi, que j'aime énormément, dans le même recueil. Paris de France aussi, qui est peut-être parce que il donne peut-être plus d'interprétation. C'est-à-dire que Paris de France va raconter, après la guerre, hein, c'est une évocation de la Première Guerre mondiale, ça s'ouvre ainsi, c'est assez étonnant, parce qu'effectivement, on reproche toujours à Larbaud de ne pas faire mention, en fait, du contexte historique et politique. Et là, il écrit vraiment Paris de France en indiquant clairement

Merci Jacques Bonafé, vous lisiez des poèmes de Livaditis et Kariotakis.